Section 17. Troisième partie. Livre quatrième. Suite. Ma toison d'or n'était pas encore à Bruges. Madame de Chateaubriand ne me l'apporta pas. À Bruges, en 1426, il y avait un homme appelé Jean, lequel inventa ou perfectionna la peinture à l'huile. Remercions Jean de Bruges. Note. Jean van Eyck, 1386-1440, né à Maas-Eyck. Il alla de bonne heure s'établir à Bruges avec son frère aîné, Hubert van Eyck, ce qui le fait souvent appeler Jean de Bruges. Fin de note. Sans la propagation de sa méthode, les chefs-d'œuvre de Raphaël seraient aujourd'hui effacés. Où les peintres flamands ont-ils dérobé la lumière dont ils éclairent leurs tableaux? Quel rayon de la Grèce s'est égaré au rivage de la Batavie? Après son voyage d'Ostende, Madame de Chateaubriand fit une course à Anvers. Elle y vit, dans un cimetière, des âmes du purgatoire en plâtre toutes barbouillées de noir et de feu. À Louvain, elle me recruta un bègue, savant professeur, qui vint tout exprès à Gand pour contempler un homme aussi extraordinaire que le mari de ma femme. Il me dit « illustre ». Sa parole manqua à son admiration et je le priai à dîner. Quand l'helléniste eut bu du curaçao, sa langue se délia. Nous nous mîmes sur les mérites de Thucydide que le vin nous faisait trouver clair comme de l'eau. À force de tenir tête à mon hôte, je finis, je crois, par parler hollandais. Du moins, je ne me comprenais plus. Madame de Chateaubriand eut une triste nuit d'auberge à Anvers. Une jeune Anglaise nouvellement accouchée se mourait. Pendant 2 heures, elle fit entendre des plaintes, puis sa voix s'affaiblit, et son dernier gémissement, que saisit à peine une oreille étrangère, se perdit dans un éternel silence. Les cris de cette voyageuse, solitaire et abandonnée, semblaient préluder aux 1000 voix de la mort, prêtes à s'élever à Waterloo. La solitude accoutumée de Gand était rendue plus sensible par la foule étrangère qu'elle animait alors et qui bientôt allait s'écouler. Des recrues belges et anglaises apprenaient l'exercice sur les places et sous les arbres des promenades. Des canonniers, des fournisseurs, des dragons mettaient à terre des trains d'artillerie, des troupeaux de bœufs, des chevaux qui se débattaient en l'air tandis qu'on les descendait suspendus dans des sangles. Des vivandières débarquaient avec les sacs, les enfants, les fusils de leurs maris. Tout cela se rendait, sans savoir pourquoi et sans y avoir le moindre intérêt, au grand rendez-vous de destruction que leur avait donné Bonaparte. On voyait des politiques gesticuler le long d'un canal auprès d'un pêcheur immobile, des émigrés trotter de chez le roi, chez monsieur, de chez monsieur, chez le roi. Le chancelier de France, monsieur d'Ambray, habit vert, chapeau rond, un vieux roman sous le bras, se rendait au conseil pour amender la charte. Le duc de Lévis allait faire sa cour avec des savates débordées qui lui sortaient des pieds, parce que, fort brave et nouvel Achille, il avait été blessé au talon. Il était plein d'esprit, on peut en juger par le recueil de ses pensées. Le duc de Wellington venait de temps en temps passer des revues. Louis XVIII sortait chaque après-midi dans un carrosse à 6 chevaux, avec son premier gentilhomme de la chambre, pour faire le tour de Gand, tout comme s'il eût été dans Paris. S'il rencontrait dans son chemin le duc de Wellington, il lui faisait en passant un petit signe de tête de protection. Louis XVIII ne perdit jamais le souvenir de la prééminence de son berceau. Il était roi partout, comme Dieu et Dieu partout, dans une crèche ou dans un temple, sur un autel d'or ou d'argile. Jamais son infortune ne lui arracha la plus petite concession. Sa hauteur croissait en raison de son abaissement. Son diadème était son nom. Il avait l'air de dire « Tuez-moi, vous ne tuerez pas les siècles écrits sur mon front ». Si l'on avait ratissé ses armes au Louvre, peu lui importait. N'était-elle pas gravée sur le globe? Avait-on envoyé des commissaires les gratter dans tous les coins de l'univers? Les avait-on effacés aux Indes, à Pondichéry en Amérique, à Lima et à Mexico? Dans l'Orient, à Antioche, à Jérusalem, à Saint-Jean d'Acre, au Caire, à Constantinople, à Rhodes, en Morée, dans l'Occident, sur les murailles de Rome, au plafond de Caserte et de l'Escurial, aux voûtes des salles de Ratisbonne et de Westminster, dans l'écusson de tous les rois. Les avait-on arrachés à l'aiguille de la boussole, où ils semblent annoncer le règne des lys aux diverses régions de la terre? L'idée fixe de la grandeur, de l'antiquité, de la dignité, de la majesté de sa race, donnait à Louis XVIII un véritable empire. On en sentait la domination. Les généraux même de Bonaparte la confessaient. Ils étaient plus intimidés devant ce vieillard impotent que devant le maître terrible qui les avait commandés dans 100 batailles. À Paris, quand Louis XVIII accordait au monarque triomphant l'honneur de dîner à sa table, il passait sans façon le premier devant ces princes dont les soldats campaient dans la cour du Louvre. Il les traitait comme des vassaux qui n'avaient fait que leur devoir en amenant des hommes d'armes à leur seigneur suzerain. En Europe, il n'est qu'une monarchie, celle de France. Le destin des autres monarchies est lié au sort de celle-là. Toutes les races royales sont d'hier auprès de la race de Hugues Capet, et presque toutes en sont filles. Notre ancien pouvoir royal était l'ancienne royauté du monde. Du bannissement des Capets datera l'ère de l'expulsion des rois. Plus cette superbe du descendant de Saint-Louis était impolitique, elle est devenue funeste à ses héritiers. Plus elle plaisait à l'orgueil national. Les Français jouissaient de voir des souverains qui, vaincus, avaient porté les chaînes d'un homme, porté, vainqueur, le joug d'une race. La foi inébranlable de Louis XVIII dans son sang est la puissance réelle qui lui rendit le spectre. C'est cette foi qui, à deux reprises, fit tomber sur sa tête une couronne pour laquelle l'Europe ne croyait pas, ne prétendait pas épuiser ses populations et ses trésors. Le banni sans soldat se trouvait au bout de toutes les batailles qu'il n'avait pas livrées. Louis XVIII était la légitimité incarnée. Elle a cessé d'être visible quand il a disparu. Je faisais à Gand, comme je fais en tout lieu, des courses à part. Les barques glissant sur d'étroits canaux, obligées de traverser 10 à 12 lieues de prairies pour arriver à la mer, avaient l'air de voguer sur l'herbe. Elles me rappelaient les canaux sauvages dans les marais à folle avoine du Missouri. Arrêtés au bord de l'eau, tandis qu'on immergeait des zones de toile écrue, mes yeux erraient sur les clochers de la ville. L'histoire m'apparaissait sur les nuages du ciel. Les Gantois s'insurgent contre Henri de Châtillon, gouverneur pour la France. La femme d'Édouard III met au monde Jean de Gand, tige de la maison de Lancastre. Règne populaire d'Artevel, bonnes gens, qui vous meut, pourquoi êtes-vous si troublé sur moi? En quoi puis-je vous avoir courroucé? Il vous faut mourir, criait le peuple. C'est ce que le temps nous crie à tous. Plus tard, je voyais les ducs de Bourgogne, les Espagnols arrivaient, puis la pacification, les sièges et les prises de Gand. Quand j'avais rêvé parmi les siècles, le son d'un petit clairon ou d'une musette écossaise me réveillait. J'apercevais des soldats vivants qui accouraient pour rejoindre les bataillons ensevelis de la Batavie. Toujours destruction, puissances abattues, et en fin de compte, quelques ombres évanouies et des noms passés. La Flandre maritime fut un des premiers cantonnements des compagnons de Clodion et de Clovis. Gand, Bruges et leurs campagnes fournissaient près d'un dixième des grenadiers de la vieille garde. Cette terrible milice fut tirée en partie du berceau de nos pères, et elle s'est venue faire exterminer auprès de ce berceau. La Lys, note. La Lys, rivière de France et de Belgique, qui prend sa source un peu au-dessous de Béthune et se jette dans l'Escaut, à Gand. Fin de note. A-t-elle donné sa fleur aux armes de nos rois? Les mœurs espagnoles impriment leur caractère. Les édifices de Gand me retraçaient ceux de Grenade, moins le ciel de la Vega. Une grande ville presque sans habitants, des rues désertes, des canaux aussi déserts que ces rues, 26 îles formées par ces canaux qui n'étaient pas ceux de Venise, une énorme pièce d'artillerie du Moyen-Âge, voilà ce qui remplaçait à Gand la cité des Aigris, le Douéro et le Fénil, le Généralife et l'Alhambra. Mes vieux songes, vous reverrai-je jamais? Madame la Duchesse d'Angoulême, embarquée sur la Gironde, nous arriva par l'Angleterre avec le général Donadieu et M. de Sèze, qui avait traversé l'océan, son cordon bleu par-dessus sa veste. Le duc et la duchesse de Lévis vinrent à la suite de la princesse. Ils s'étaient jetés dans la diligence et sauvés de Paris par la route de Bordeaux. Les voyageurs, leurs compagnons, parlaient politique. « Ce scélérat de Chateaubriand, disait l'un d'eux, n'est pas si bête. Depuis 3 jours, sa voiture était chargée dans sa cour. L'oiseau a déniché. Ce n'est pas l'embarras si Napoléon l'avait attrapé. » Madame la Duchesse de Lévis était une personne très belle, très bonne, aussi calme que Madame la Duchesse de Duras était agitée. Elle ne quittait point Madame de Chateaubriand. Elle fut à Gand notre compagne assidue. Personne n'a répandu dans ma vie plus de quiétude, chose dont j'ai grand besoin. Les moments les moins troublés de mon existence sont ceux que j'ai passés à Noisiel, chez cette femme dont les paroles et les sentiments n'entraient dans votre âme que pour y ramener la sérénité. Je les rappelle avec regret, ces moments écoulés sous les grands marronniers de Noisiel. L'esprit apaisé, le cœur convalescent, je regardais les ruines de l'abbaye de Chelles, les petites lumières des barques arrêtées parmi les saules de la Marne. Le souvenir de Madame de Lévis est pour moi celui d'une silencieuse soirée d'automne. Elle a passé en peu d'heures, elle s'est mêlée à la mort comme à la source de tout repos. Je l'ai vue descendre sans bruit dans son tombeau, au cimetière du Père Lachaise. Elle est placée au-dessus de Monsieur de Fontanes, et celui-ci dort auprès de son fils Saint-Marcellin, tué en duel. C'est ainsi qu'en m'inclinant au monument de Madame de Lévis, je suis venu me heurter à deux autres sépulcres. L'homme ne peut éveiller une douleur sans en réveiller une autre. Pendant la nuit, les diverses fleurs qui ne s'ouvrent qu'à l'ombre s'épanouissent. À l'affectueuse bonté de Madame de Lévis pour moi était jointe l'amitié de Monsieur le Duc de Lévis, le père. Je ne dois plus compter que par génération. Monsieur de Lévis écrivait bien. Il avait l'imagination variée et féconde qui sentait sa noble race comme on la retrouvait à Quiberon dans son sang répandu sur les grèves. Tout ne devait pas finir là. C'était le mouvement d'une amitié qui passait à la seconde génération. Monsieur le Duc de Lévis, le fils, aujourd'hui attaché à Monsieur le Comte de Chambord, s'est approché de moi. Mon affection héréditaire ne lui manquera pas plus que ma fidélité à son auguste maître. La nouvelle et charmante duchesse de Lévis, sa femme, réunit au grand nom de d'Aubusson les plus brillantes qualités du cœur et de l'esprit. Il y a de quoi vivre quand les grâces empruntent à l'histoire des ailes infatigables. À Gand comme à Paris, le pavillon Marsan existait. Chaque jour, apportait de France à monsieur des nouvelles qu'enfantait l'intérêt ou l'imagination. Monsieur Gaillard, ancien oratorien, conseiller à la cour royale, ami intime de Fouché, descendit au milieu de nous. Il se fit reconnaître et fut mis en rapport avec monsieur Capel. Quand je me rendais chez monsieur, ce qui était rare, son entourage m'entretenait à paroles couvertes et avec maints soupirs d'un homme qui, il fallait en convenir, se conduisait à merveille. Il entravait toutes les opérations de l'empereur, il défendait le faubourg Saint-Germain, etc., etc. Le fidèle maréchal Soult était aussi l'objet des prédilections de monsieur, et après Fouché, l'homme le plus loyal de France. Un jour, une voiture s'arrête à la porte de mon auberge. J'en vois descendre Madame la baronne de Vitrolles. Elle arrivait chargée des pouvoirs du duc d'Otrante. Elle remporta un billet écrit de la main de monsieur par lequel le prince déclarait conserver une reconnaissance éternelle à celui qui sauvait monsieur de Vitrolles. Fouché n'en voulait pas davantage. Armé de ce billet, il était sûr de son avenir en cas de restauration. Dès ce moment, il ne fut plus question à Gand que des immenses obligations que l'on avait à l'excellent monsieur Fouché de Nantes, que de l'impossibilité de rentrer en France autrement que par le bon plaisir de ce juste. L'embarras était de faire goûter au roi le nouveau rédempteur de la monarchie. Après les 100 jours, Madame de Custine me força de dîner chez elle avec Fouché. Je l'avais vue une fois, 5 ans auparavant, à propos de la condamnation de mon pauvre cousin Armand. L'ancien ministre savait que je m'étais opposé à sa nomination à roi, à Gonesse, à Arnouville. Et comme il me supposait puissant, il voulait faire sa paix avec moi. Ce qu'il y avait de mieux en lui, c'était la mort de Louis XVI. Le régicide était son innocence. Bavard, ainsi que tous les révolutionnaires, battant l'air de phrases vides, il débitait un ramas de lieux communs farcis de destin, de nécessité, de droit des choses, mêlant à ce non-sens philosophique des non-sens sur le progrès et la marche de la société, d'impudentes maximes au profit du fort contre le faible. Ne se faisant faute d'aveux effrontés sur la justice des succès, le peu de valeur d'une tête qui tombe, l'équité de ce qui prospère, l'iniquité de ce qui souffre, affectant de parler des plus affreux désastres avec légèreté et indifférence, comme un génie au-dessus de ses niaiseries. il ne lui échappa à propos de quoi que ce soit une idée choisie, un aperçu remarquable. Je sortis en haussant les épaules au crime. M. Fouché ne m'a jamais pardonné ma sécheresse et le peu d'effet qu'il produisit sur moi. Il avait pensé me fasciner en faisant monter et descendre à mes yeux, comme une gloire du Sinaï, le coutelas de l'instrument fatal. Il s'était imaginé que je tiendrais à Colosse l'énergumène qui, parlant du sol de Lyon, avait dit « Ce sol sera bouleversé. Sur les débris de cette ville superbe et rebelle s'élèveront des chaumières éparses que les amis de l'égalité s'empresseront de venir habiter. Nous aurons le courage énergique de traverser les vastes tombeaux des conspirateurs. Il faut que leurs cadavres ensanglantés, précipités dans le Rhône, offrent sur les deux rives et à son embouchure l'impression de l'épouvante et l'image de la toute-puissance du peuple. Nous célébrerons la victoire de Toulon, nous enverrons ce soir 250 rebelles sous le fer de la foudre. » Ces horribles prétintailles ne m'imposèrent point, parce que M. de Nantes avait délayé des forfaits républicains dans de la boue impériale, que le sans-culotte, métamorphosé en duc, avait enveloppé la corde de la lanterne dans le cordon de la Légion d'honneur, il ne m'en paraissait ni plus habile ni plus grand. Les Jacobins détestent les hommes qui ne font aucun cas de leurs atrocités et qui méprisent leurs meurtres. Leur orgueil est irrité, comme celui des auteurs dont on conteste le talent. En même temps que Fouché envoyait à Gand, M. Gaillard négocie avec le frère de Louis XVI. Ses agents à Bâle pourparlaient avec ceux du prince de Metternich au sujet de Napoléon II, et M. de Saint-Léon, dépêché par ce même Fouché, arrivait à Vienne pour traiter de la couronne possible de M. le duc d'Orléans. Les amis du duc d'Otrante ne pouvaient pas plus compter sur lui que ses ennemis. Au retour des princes légitimes, il maintint sur la liste des exilés son ancien collègue, M. Thibaudeau, tandis que de son côté, M. de Talleyrand retranchait de la liste ou ajoutait au catalogue tel ou tel proscrit selon son caprice. Le faubourg Saint-Germain n'avait-il pas bien raison de croire en M. Fouché ? M. de Saint-Léon à Vienne apportait 3 billets, dont l'un était adressé à M. de Talleyrand. Le duc d'Otrante proposait à l'ambassadeur de Louis XVIII de pousser au trône, s'il y voyait jour, le fils d'égalité. Quelle probité dans ces négociations ! Qu'on était heureux d'avoir affaire à de si honnêtes gens. Nous avons pourtant admiré, encensé, béni ces cartouches. Nous leur avons fait la cour, nous les avons appelés monseigneur. Cela explique le monde actuel. M. de Montrond vint de surcroît après M. de Saint-Léon. M. le duc d'Orléans ne conspirait pas de fait, mais de consentement. Il laissait intriguer les affinités révolutionnaires, douce société. Au fond de ce bois, le plénipotentiaire du roi de France prêtait l'oreille aux ouvertures de Fouché. À propos de l'arrestation de M. de Talleyrand à la barrière d'enfer, j'ai dit qu'elle avait été jusqu'alors l'idée fixe de M. de Talleyrand sur la régence de Marie-Louise. Il fut obligé de se ranger par l'événement à l'éventualité des Bourbons. Mais il était toujours mal à l'aise. Il lui semblait que, sous les Ouarts de Saint-Louis, un évêque marié ne serait jamais sûr de sa place. L'idée de substituer la branche cadette à la branche aînée lui sourit donc, et d'autant plus qu'il avait eu d'anciennes liaisons avec le palais royal. Prenant parti toutefois sans se découvrir en entier, il hasarda quelques mots du projet de Fouché à Alexandre. Le czar avait cessé de s'intéresser à Louis XVIII. Celui-ci l'avait blessé à Paris par son affectation de supériorité de race. Il l'avait encore blessé en rejetant le mariage du duc de Berry avec une sœur de l'empereur. On refusait la princesse pour 3 raisons. Elle était schismatique, elle n'était pas d'une assez vieille souche, elle était d'une famille de fous. Raison qu'on ne présentait pas debout, mais de bien, et qui, entrevue, offensait triplement Alexandre. Pour dernier sujet de plainte contre le vieux souverain de l'exil, le czar accusait l'alliance projetée entre l'Angleterre, la France et l'Autriche. Du reste, il semblait que la succession fût ouverte. Tout le monde prétendait hériter des fils de Louis XIV. Benjamin Constant, au nom de Madame Murat, plaidait les droits que la sœur de Napoléon croyait avoir au royaume de Naples. Bernadotte jetait un regard lointain sur Versailles, apparemment parce que le roi de Suède venait de Pau. La Besnardière, chef de division aux relations extérieures, passa à M. de Caulaincourt. Il brocha un rapport, des griefs et contredits de la France à l'endroit de la légitimité. La ruade lâchée, M. de Talleyrand trouva le moyen de communiquer le rapport à Alexandre. Mécontent et mobile, l'autocrate fut frappé du pamphlet de la Besnardière. Tout à coup, en plein congrès, à la stupéfaction de chacun, le czar demande si ce ne serait pas matière à délibération d'examiner en quoi M. le duc d'Orléans pourrait convenir comme roi à la France et à l'Europe. C'est peut-être une des choses les plus surprenantes de ces temps extraordinaires, et peut-être est-il plus extraordinaire encore qu'on en ait si peu parlé. Lord Clancarty fit échouer la proposition russe. Sa seigneurie déclara n'avoir point de pouvoir pour traiter une question aussi grave. « Quant à moi, dit-il, en opinant comme simple particulier, je pense que mettre M. le duc d'Orléans sur le trône de France serait remplacer une usurpation militaire par une usurpation de famille, plus dangereuse au monarque que toutes les autres usurpations. » Les membres du congrès allèrent dîner et marquèrent avec le sceptre de Saint-Louis, comme avec un fétu, le feuillet où ils en étaient restés dans leur protocole. Sur les obstacles que rencontra le czar, M. de Talleyrand fit volte-face. Prévoyant que le coup retentirait, il rendit compte à Louis XVIII, dans une dépêche que j'ai vue et qui portait le numéro 25 ou 27, de l'étrange séance du congrès. Il se croyait obligé d'informer Sa Majesté d'une démarche aussi exorbitante, parce que cette nouvelle, disait-il, ne tarderait pas de parvenir aux oreilles du roi. Singulière naïveté pour M. le prince de Talleyrand. Il avait été question d'une déclaration de l'Alliance, afin de bien avertir le monde qu'on n'en voulait qu'à Napoléon, qu'on ne prétendait imposer à la France ni une forme obligée de gouvernement, ni un souverain qui ne fût pas de son choix. Cette dernière partie de la déclaration fut supprimée, mais elle fut positivement annoncée dans le journal officiel de Francfort. L'Angleterre, dans ses négociations avec les cabinets, se sert toujours de ce langage libéral, qui n'est qu'une précaution contre la tribune parlementaire. On voit qu'à la seconde restauration, pas plus qu'à la première, les alliés ne se souciaient point du rétablissement de la légitimité. L'événement seul a tout fait. Qu'importait à des souverains dont la vue était si courte que la mère des monarchies de l'Europe fût égorgée? Cela les empêcherait-il de donner des fêtes et d'avoir des gardes? Aujourd'hui, les monarques sont si solidement assis, le globe dans une main, l'épée dans l'autre. M. de Talleyrand, dont les intérêts étaient alors à Vienne, craignait que les Anglais, dont l'opinion ne lui était plus aussi favorable, engageassent la partie militaire avant que toutes les armées fussent en ligne et que le cabinet de Saint-James acquît ainsi la prépondérance. C'est pourquoi il voulait amener le roi à rentrer par les provinces du Sud-Est afin qu'il se trouvât sous la tutelle des troupes de l'Empire et du cabinet autrichien. Le duc de Wellington avait donc l'ordre précis de ne point commencer les hostilités. C'est donc Napoléon qui a voulu la bataille de Waterloo. On n'arrête point les destinées d'une telle nature. Ces faits historiques, les plus curieux du monde, ont été généralement ignorés. C'est encore de même qu'on s'est formé une opinion confuse des traités de Vienne relativement à la France. On les a crus l'œuvre unique d'une troupe de souverains victorieux acharnés à notre perte. Malheureusement, s'ils sont durs, ils ont été envenimés par une main française. Quand M. de Talleyrand ne conspire pas, il trafique. La Prusse voulait avoir la Saxe, qui tôt ou tard sera sa proie. La France devait favoriser ce désir, car la Saxe, obtenant un dédommagement dans les cercles du Rhin, Landau nous restait avec nos enclaves. Coblenz et d'autres forteresses passait à un petit état ami qui, placé entre nous et la Prusse, empêchait les points de contact. Les clés de la France n'étaient point livrées à l'ombre de Frédéric. Pour 3 millions qu'il en coûta à la Saxe, M. de Talleyrand s'opposa aux combinaisons du cabinet de Berlin. Mais, afin d'obtenir l'assentiment d'Alexandre à l'existence de la vieille Saxe, notre ambassadeur fut obligé d'abandonner la Pologne au czar. Bien que les autres puissances désirassent qu'une Pologne quelconque rendît les mouvements du moscovite moins libres, dans le nord. Les Bourbons de Naples se rachetèrent, comme le souverain de Dresde, à prix d'argent. M. de Talleyrand prétendait qu'il avait droit à une subvention en échange de son duché de Bénévent. Il vendait sa livrée en quittant son maître. Lorsque la France perdait tant, M. de Talleyrand n'aurait-il pu perdre aussi quelque chose ? Bénévent, d'ailleurs, n'appartenait pas au grand chambellan. En vertu du rétablissement des anciens traités, cette principauté dépendait des états de l'Église. Telles étaient les transactions diplomatiques que l'on passait à Vienne, tandis que nous séjournions à Gand. Je reçus, dans cette dernière résidence, cette lettre de M. de Talleyrand. Vienne, le 4 avril. J'ai appris avec grand plaisir, monsieur, que vous étiez à Gand, car les circonstances exigent que le roi soit entouré d'hommes forts et indépendants. Vous aurez sûrement pensé qu'il était utile de réfuter par des publications fortement raisonnées toute la nouvelle doctrine que l'on veut établir dans les pièces officielles qui paraissent en France. Il y aurait de l'utilité à ce qu'il parût quelque chose dont l'objet serait d'établir que la déclaration du 31 mars, faite à Paris par les Alliés, que la déchéance, que l'abdication, que le traité du 11 avril qui en a été la conséquence, sont autant de conditions préliminaires indispensables et absolues du traité du 30 mai. C'est-à-dire que sans ces conditions préalables, le traité n'eût pas été fait. Cela posé, celui qui viole les dites conditions ou qui en seconde la violation rompt la paix que ce traité a établie. Ce sont donc lui et ses complices qui déclarent la guerre à l'Europe. Pour le dehors comme pour le dedans, une discussion prise dans ce sens ferait du bien. Il faut seulement qu'elle soit bien faite. Ainsi, chargez-vous-en. Agréez, monsieur, l'hommage de mon sincère attachement et de ma haute considération. Talleyrand. J'espère avoir l'honneur de vous voir à la fin du mois. Notre ministre à Vienne était fidèle à sa haine contre la grande chimère échappée des ombres. Il redoutait un coup de fouet de son aile. Cette lettre montre du reste tout ce que M. de Talleyrand était capable de faire quand il écrivait seul. Il avait la bonté de m'enseigner le motif, s'en rapportant à mes fioritures. Il s'agissait bien de quelques phrases diplomatiques sur la déchéance, sur l'abdication, sur le traité du 11 avril et du 30 mai pour arrêter Napoléon. Je fus très reconnaissant des instructions en vertu de mon brevet d'homme fort, mais je ne les suivis pas. Ambassadeur in petto, je ne me mêlais point, en ce moment, des affaires étrangères, je ne m'occupais que de mon ministère de l'Intérieur par intérim. Mais que se passait-il à Paris ? Fin de la section 17.